3h du matin, je dors toujours pas. Allongé dans le noir, penser qu'il m'assaille, voilà. Demain je vais être crevé au boulot, mais mon cerveau refuse d'éteindre le haut. Insomnie chronique depuis des années, doc me file des cachets, rien n'a marché. Je repense à toutes mes erreurs passées, les mots que j'ai dit, les choix ratés. Anxiété nocturne qui monte crescendo, crise d'angoisse qui arrive, battement écho. Je me lève, je marche dans l'appart obscur, verre de respiration, j'essaye de me rassurer. 3h du matin, heure des démons, 3h du matin, solitude en ton. Quand le monde dort et moi je suis réveillé, prisonnier de mes pensées, isolé. J'ouvre Instagram, des films en machinal, voir la vie des autres, comparaison fatale. Tout le monde a l'air heureux, accompli, pendant que moi je galère dans l'obscurité, ennui. J'pourrais faire quelque chose de productif, lire, écrire, créer, être actif. Mais non, j'reste là, ruminé, les regrets, les peurs, le temps gâché. J'pense à ceux qui manquent, partis trop tôt. Peau de famille, le deuil fait mal, nouveau. À mes échecs amoureux, relations foirées. À la personne que j'suis devenu égaré. 3h du matin, heure des démons. 3h du matin, solitude en ton. Quand le monde dort et moi j'suis réveillé, prisonnier de mes pensées, isolé. Mais aussi des moments de clarté, dans cette nuit vérité révélée. Sans le bruit du jour qui distrait, j'me retrouve face à moi, parfait. 4h maintenant, l'aube approche. Fatigue qui gagne, paupières qui se rapprochent. Demain sera dur mais je survivrai, comme tous les matins après ces nuits, c'est vrai. Un jour je dormirai peut-être normalement, mais en attendant j'apprivoise doucement ces heures volées au sommeil, où j'apprends à me connaître, soleil. 3h du matin, 4h, 5h, enfin je m'endors.